Les petits portraits. Il faut que je vous parle de Magda, la tricoteuse urbaine. Cette histoire se passe aux États-Unis, dans la ville de Houston, au Texas. C'est là que Magda Sayegh possédait une boutique de laine. Elle tricote depuis ses 15 ans, mais n'a jamais pensé en faire son métier. Un beau jour de 2005, elle décide de recouvrir la poignée de son magasin. Avec une petite laine rose et bleue, elle serait bien plus agréable au toucher. Devant l'enthousiasme des clients, elle décide d'en mitoufler le stop en bas de la rue. Tout le monde, même les automobilistes, s'arrête pour se prendre en photo devant le panneau. Aidée d'une amie, Magda recouvre alors tous les panneaux du quartier. Elle monte un collectif de tricoteurs et tricoteuses urbaines. Ils décorent des statues, des colonnes, des réverbères et même des bus. Avec Internet, leurs œuvres font le tour du monde. En Australie, en Espagne, en France ou en Argentine, des gens décident de les imiter. Le tricot urbain devient un art de rue à part entière. Un art qui met en valeur les objets du quotidien et rend le paysage urbain plus chaleureux et coloré. Aujourd'hui, Magda a fermé son magasin pour devenir artiste à plein temps. Ça donne envie de tricoter, non ? Il faut que je vous parle de David, le garçon avec un bras en Lego. Cette histoire se passe en Andorre, une petite principauté entre la France et l'Espagne. C'est là que vit David Aguilar. David est né sans avant-bras droit à cause d'une maladie génétique. À l'école, les enfants se moquent de lui. David a tellement honte qu'il cache son bras sous des manches longues. À 9 ans, assis sur son lit, il regarde son hélicoptère Lego tout poussiéreux. Comme il n'y joue plus, David a une idée. Il va le démonter et se servir des pièces pour construire une prothèse. En une semaine, le tour est joué. David a fabriqué sa première prothèse de bras tout en Lego. À 18 ans, il crée un premier modèle robotique. Doté d'un petit moteur, ce prototype permet d'attraper des objets. Aujourd'hui, David a 20 ans. Ses dernières prothèses s'appellent MK, en hommage à l'armure d'Iron Man. Grâce à ses inventions, David a obtenu une bourse pour étudier la bio-ingénierie. Il rêve de concevoir une gamme de prothèses à des prix abordables pour changer la vie des gens comme lui. Ça donne envie de sortir ses Lego, non ? Il faut que je vous parle de Narayan, le gardien des couleurs. Cette histoire se passe au musée d'art de Harvard, aux États-Unis. C'est ici que travaille Narayan Khandekar. Il veille sur une incroyable collection de pigments. Les pigments sont des poudres colorées que l'on mélange avec des substances liquides pour obtenir de la peinture. Vieille de 100 ans, la collection compte plus de 3000 pigments. Ils ont parfois des noms étranges, jaune de Mars, marron momie et même sang de dragon. Certains sont très rares, comme le pourpre de Tyr, provenant du mucus d'un coquillage très précieux, tellement cher que seuls les rois et les empereurs pouvaient se l'offrir. Ou le jaune indien, le pigment le plus rare de la collection, qui s'obtient avec l'urine séchée de vaches qui ne se nourrissent que de feuilles de manguier. D'autres pigments sont très toxiques, comme le blanc de plomb ou le magnifique vert émeraude qui contient de l'arsenic, un poison mortel. Aujourd'hui, ces pigments permettent de savoir si un tableau est authentique ou s'il s'agit d'une copie, ou encore de restaurer des œuvres d'art. Ça donne envie de peindre, non ? Il faut que je vous parle d'Adrian, le créateur de Labyrinthe. Cette histoire se passe en Angleterre, dans le comté de Dorset. C'est là que vit Adrian Fisher. Passionné de géométrie et de paysagisme, il construit son premier labyrinthe à 20 ans dans le jardin de son père. Mais Adrian n'imagine pas pouvoir gagner sa vie en créant des labyrinthes, alors il devient comptable. Mais quelques années plus tard, en 1978, il rencontre par hasard une actrice britannique qui lui demande de lui construire un labyrinthe. Cette commande provoque un déclic chez Adrian. Il quitte son travail pour se lancer à plein temps dans la création de labyrinthes. Qu'ils soient en métal, en bois, composés entièrement d'arbustes ou de miroirs, chacune des créations d'Adrian raconte une histoire. En 40 ans, il a conçu plus de 700 labyrinthes dans 40 pays. Il détient 9 records du monde et a écrit plusieurs livres sur le sujet. En France, au château de Thoiry, tu peux visiter un de ces labyrinthes qui peut accueillir 1000 personnes en même temps. Ça donne envie de s'y perdre, non ? Les petits portraits. Les petits portraits. Les petits portraits. Les petits portraits. Les petits portraits.